إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous continuons ce soir la lecture et l'étude du livret sur la jurisprudence du jeûne simplifié, et nous en sommes aujourd'hui au troisième chapitre, à la page 28 du livret PDF, qui concerne ce qui est recommandé et ce qui est détestable durant le jeûne. En effet, lorsque tu jeûnes, il ne suffit pas de savoir qu'est-ce qui t'incombe et qu'est-ce qui t'est interdit. Mais si tu souhaites parfaire ton jeûne et atteindre les plus hauts degrés de récompense, alors tu dois veiller à l'accomplissement de ce qui est recommandé et au délaissement de ce qui est détestable. Tout ce qui est recommandé, si tu l'accomplis sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu ne feras qu'augmenter en termes de récompense. Et de la même manière, tout ce qui est détestable, si tu le délaisses sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et recherchant sa récompense, alors tu ne feras qu'augmenter en termes de récompense, inshallah ta'ala. Et le délaissement des choses recommandées, ainsi que le fait de faire certaines choses qui sont détestables, n'a pas d'incidence sur la validité du jeûne. Toutefois, cela en diminue la récompense. Ils ont donc dit, premièrement, les choses recommandées. Il est recommandé pour le jeûneur de veiller à l'accomplissement des choses suivantes durant son jeûne. Premièrement, le suhur. Vous avez en note de bas de page que le suhur désigne le nom du repas pris avant l'aube, avant le fajr. Et le suhur, avec une dhamma sur le sin, il désigne l'action de prendre ce repas. Tandis que as-sahur, avec une fatha sur le sin, désigne la nourriture qui est mangée durant ce repas. De la même manière que al-wudu désigne l'action des ablutions, et al-wadu, l'eau avec laquelle on fait les ablutions. Donc as-sahur fait partie des choses recommandées durant le jeûne. Ils nous disent, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez le suhur car il y a en lui une bénédiction. Il y a dans ce repas une bénédiction. Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous explique que cette bénédiction est aussi bien religieuse que physique. La bénédiction religieuse, elle se trouve dans le fait qu'en prenant ce repas, tu te soumets à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, tu le prends pour modèle, car lui-même prenait ce repas avant l'aube. Tandis que la bénédiction physique, elle se trouve dans le fait qu'en prenant ce repas, tu vas nourrir ton corps et le renforcer pour le jeûne. Il fait donc partie de la bénédiction de ce repas qu'il va t'aider à l'accomplissement de cette adoration qu'est le jeûne. Regarde, lorsque tu jeûnes, ce simple repas te suffit pour te passer de nourriture et de boisson du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Alors que lorsque tu ne jeûnes pas, généralement, on aura l'habitude de prendre un petit déjeuner, puis le repas de midi, voire même, pour certains, un repas durant l'après-midi ou un goûter ou autre. Et on boit tout au long de la journée. Mais durant le jeûne, tu prends ce repas avant l'aube, le sahur, et la bénédiction qui se trouve dans celui-ci te permet de te passer de nourriture et de boisson de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est pour cela qu'il convient de ne pas délaisser cette sunna. En mettant en pratique cette sunna, tu augmenteras en termes de récompense bi'inillahi ta'ala, et tu augmenteras en termes de mérite. Mais également, tu renforceras ton corps, et ceci t'aidera à parfaire ton jeûne. En effet, en prenant le sahur, tu éviteras de te trouver affamé. Et ainsi, tu seras préservé des mauvais comportements qui sont provoqués par la forte faim. En effet, lorsque la personne souffre de la faim Il se peut qu'elle en vienne à adopter certains mauvais comportements, car cette faim va l'irriter. Donc ce sahur, c'est une cause pour te préserver de cela, pour renforcer ton corps afin de patienter jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, ils nous disent, il peut se prendre avec une quantité moindre ou abondante de nourriture, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition que ce repas soit pris de façon abondante. Mais si la personne n'arrive pas à trouver l'appétit avant l'aube, alors il n'y a pas de gêne à ce qu'elle se suffise de quelques bouchées de nourriture ou au moins une simple gorgée d'eau, afin de profiter du mérite qu'il y a dans le fait de prendre le sahur. Et le mieux est de le prendre avec des dates. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ni'ma sahur il mu'min at-tamr » La meilleure des choses que le croyant mange en guise de sahur, ce sont les dates. Donc ceci est une sunna également, de manger des dates au moment du sahur. Donc même si tu n'as pas faim, tu mets en pratique cette sunna, tu manges une date qui va renforcer ton corps pour patienter durant le jeûne, ou alors tu bois quelques gorgées d'eau, une gorgée de laban, ou ce que tu souhaites parmi les aliments et les boissons. Quelle que soit la chose que tu manges ou que tu boives à ce moment-là, même si ce n'est qu'une quantité infime, alors tu atteins ce mérite et tu mets en pratique cette sunna. Ensuite, ils nous disent, son temps débute au milieu de la nuit et se termine au lever de l'aube. Donc à quel moment, lorsque tu manges et tu bois, tu seras considéré comme ayant pris le sahur? Ils nous disent à partir du milieu de la nuit. Donc si tu prends un repas avant le milieu de la nuit, comme le font certaines personnes qui vont préférer manger après la prière de Tarawih, car ils n'arrivent pas à manger avant l'aube. Alors cela, il n'y a pas d'interdiction dans ce qu'ils font. Toutefois, ils n'auront pas pris le sahur, car le sahur se prend au plus tôt, à partir du milieu de la nuit. Et il se termine au lever de l'aube. Et plus la personne le retarde, mieux c'est. C'est pour cela qu'ils nous disent que la deuxième chose recommandée est de retarder le sahur. Plus tu le prends à l'approche de l'aube, mieux cela est en termes de récompense. Ils disent, d'après le hadith de Zayd ibn Thabit, qu'Allah l'agré, qui a dit, nous avons pris le sahur avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour aller accomplir la prière. On lui a demandé combien de temps séparait le sahur de la prière. Il a répondu, le temps de réciter 50 versets. Donc ce hadith est une preuve qu'il est recommandé pour le musulman lorsqu'il jeûne de retarder le sahur et de ne le prendre qu'à l'approche de l'aube. Et chacun prendra le temps qui lui est nécessaire. Chacun est plus connaisseur de sa personne. La troisième chose recommandée qu'ils ont mentionnée ici est de hâter la rupture, c'est-à-dire la rupture du jeûne le soir. Il est donc recommandé pour le jeûneur d'hâter la rupture du jeûne dès que le soleil s'est assurément couché. Méditez bien sur ce qu'ils disent ici, dès que le soleil s'est assurément couché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter au point de rompre avant s'être assuré que le soleil est couché. Mais une fois que l'on est sûr que le soleil s'est couché, alors il est légiféré de s'empresser de rompre le jeûne. Ils disent, d'après Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens ne cesseront d'aller bien, les gens ne cesseront d'être sur le bien, tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Donc ce hadith nous démontre la recommandation de s'empresser de rompre le jeûne une fois que le soleil s'est bien couché. Toutefois, il est à souligner que si tu ne vois pas le coucher du soleil, alors tu seras obligé d'attendre l'appel à la prière afin de t'assurer que le soleil se soit bien couché. Même si tu penses fortement que le soleil se couche quelques minutes avant l'appel à la prière, il ne t'est pas possible de rompre le jeûne sur une simple supposition. Donc soit tu vois le coucher du soleil et à ce moment-là, tu pourras rompre selon ta vision, soit tu ne le vois pas et tu te baseras sur l'heure de l'appel à la prière. La quatrième chose recommandée est de rompre avec des dattes fraîches. S'il n'en trouve pas, avec des dattes sèches et en prendre une quantité impaire. Donc la sunna est de veiller à rompre le jeûne avec des dattes, et en priorité avec des dattes fraîches. Si tu n'en as pas, alors tu rompras le jeûne avec des dattes sèches. Et c'est cela la sunna. Même si tu n'apprécies pas spécialement les dattes, fais au moins l'effort d'en manger une afin de mettre en pratique cette sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu seras récompensé pour cette date que tu manges par suivi de sa sunna. Et ceci est recommandé pour rompre le jeûne. Quant au fait qu'ils disent d'en prendre une quantité impaire, alors il faut savoir qu'il n'y a pas de texte particulier rapporté à ce sujet concernant la rupture du jeûne. Mais certains savants considèrent que cela est recommandé de manière générale, de boire et manger en nombre impair, sans que cela soit spécifiquement lié à la rupture du jeûne. Donc il n'y a pas de mal à prendre des dattes en quantité paire ou en quantité impaire, et l'affaire est large, inshallah ta'ala. Ensuite, ils disent, s'ils n'en trouvent pas, c'est-à-dire s'ils ne trouvent pas de date, qu'il n'a ni date fraîche ni date sèche, alors avec quelques gorgées d'eau. D'après le hadith de Anas, qu'Allah l'agrée, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude de rompre son jeûne avec des dattes fraîches avant de prier. S'il n'y en avait pas, alors avec des dattes sèches. Et s'il n'y en avait pas, alors il buvait quelques petites gorgées d'eau. Ceci est donc la sunna pour rompre ton jeûne. Veille à avoir des dattes fraîches, ou au moins des dattes sèches, afin de commencer par cela lors de la rupture du jeûne. Tu seras récompensé pour cela car tu auras suivi ainsi la sunna de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu n'en as pas, alors romps ton jeûne avec quelques gorgées d'eau. Et mange ce que tu le souhaites parmi les nourritures. Il n'y a pas de jeûne en cela. Mais cet ordre est celui qui est recommandé. Toutefois, j'attire votre attention qu'il ne fait pas partie de la sunna de commencer par le repas avant de prier. Nombre de personnes ont pour habitude, lors du mois de Ramadan ou lorsqu'ils jeûnent, lorsque vient l'heure du maghrib, de commencer par manger leur repas avant de prier. Et ceci est contraire à ce qui est légiféré. Mais la sunna est de rompre ton jeûne avec quelques dattes, ou au moins avec quelques gorgées d'eau, puis ensuite tu vas prier, et après cela, si tu le souhaites, tu reviens prendre ton repas. Ensuite, ils nous disent, s'il ne trouve rien, c'est-à-dire qu'il n'a ni date fraîche, ni date sèche, ni eau à boire, ni rien du tout à manger, alors il a l'intention de rompre dans son cœur, et cela est suffisant pour lui. À supposer qu'une personne n'ait rien à boire ni à manger, comme cela pourrait arriver à un voyageur par exemple. Il se trouve sur la route au moment du coucher du soleil. Il est en voiture, il n'a ni date, ni eau, ni rien à boire, ni rien à manger. Donc lorsqu'il voit le soleil se coucher, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'intention de rompre, il a l'intention que son jeûne est terminé. Et il attend de trouver de quoi boire et de quoi manger, afin de se nourrir et s'abreuver. Cinquièmement, l'invocation au moment de la rupture et pendant le jeûne. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les invocations de trois personnes ne sont pas rejetées. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe, le gouverneur juste et la victime d'une injustice. Donc on voit dans ce hadith que l'invocation du jeûneur est acceptée jusqu'à ce qu'il rompe. Il est donc recommandé lorsque tu jeûnes de multiplier l'invocation jusqu'au moment de la rupture. Veille à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette adoration immense. Tu adresses tes demandes à Allah subhanahu wa ta'ala dans ton intérêt afin qu'il te pardonne tes péchés, qu'il accepte ton repentir, qu'il te fasse entrer au paradis, qu'il te préserve du feu de l'enfer, qu'il te facilite dans tes affaires mondaines et tes affaires religieuses. Tu lui adresses toutes ces demandes qui sont dans ton intérêt et Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ces invocations que tu lui adresses et il t'a promis également de répondre à tes demandes. Allahu Akbar. Il nous ordonne de l'invoquer. Il nous récompense lorsqu'on l'invoque et il répond à nos demandes. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc tu dois veiller à l'invocation lorsque tu jeûnes, et notamment à l'approche du coucher du soleil, et au moment où tu t'apprêtes à rompre ton jeûne. Il y a en cela un bénéfice immense, car en fin de journée, le jeûneur aura le cœur adouci par la faim. Il sera donc rempli d'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il pourra l'invoquer d'un cœur présent et humilié. Et étant donné qu'il jeûne, alors son invocation n'est pas rejetée. C'est pour cela qu'il est recommandé de multiplier les invocations à ce moment-là, jusqu'à ce que tu t'apprêtes à rompre. Après la rupture, généralement, la personne aura assouvi son désir de nourriture et de boisson et risque d'être plongée, malheureusement, dans l'insouciance. Toutefois, il est légiféré après cela de prononcer une invocation qui est rapportée dans un hadith et qui consiste à dire, après avoir rompu ton jeûne, « Zahaba al-dhama, la soif s'en est en allée, « wabtallat al-uruq, les veines se sont alimentées, « wathabat al-ajru, insha'Allah, et la récompense sera confirmée, insha'Allah, si Allah le veut. » Ceci est une parole légiférée à prononcer après avoir rompu ton jeûne. Et avant cela, lorsque tu t'apprêtes à le rompre, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en lui adressant les demandes que tu souhaites parmi les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Ensuite, ils disent, sixièmement, multiplier les aumônes, la récitation du Coran, l'offre de repas de rupture aux jeûneurs, ainsi que toute œuvre de bien. Ceci fait partie des choses qui sont fortement recommandées durant le jeûne et plus particulièrement durant le mois de Ramadan. En effet, on a vu qu'un des objectifs du jeûne est d'atteindre la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. La piété qui consiste à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant et à se soumettre à ses interdits en les délaissant. Donc entre dans cela l'accomplissement de toutes les œuvres de bien qui sont ordonnées dans notre noble religion. Parmi les choses obligatoires en priorité auxquelles tu te dois d'être assidu, à commencer par les 5 prières quotidiennes, et l'ensemble de tes obligations, mais aussi la multiplication des œuvres de bien comme les aumônes. La récitation du Coran, en effet, ce mois est le mois du Coran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, le mois de Ramadan, le mois durant lequel a été descendu le Coran. Donc c'est le mois du Coran. Il convient de multiplier sa récitation durant ce mois, multiplier les aumônes, afin de te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ils nous disent l'offre de repas de rupture aux jeûneurs. Et ce car, celui qui offre un repas de rupture à un jeûneur, il aura la même récompense que ce jeûneur, sans que cela ne diminue en rien de la récompense du jeûneur. Allahu Akbar. Toi, tu jeûnes, tu as la récompense de ton jeûne. En plus de cela, tu nourris des jeûneurs. Tu as la récompense de leur jeûne, sans que cela ne diminue en rien de leur récompense. C'est-à-dire qu'en un seul jour, tu peux en réalité jeûner une multitude de jours, si tu en as les capacités. Et ça, c'est une chose à laquelle doit penser le responsable de foyer lorsqu'il fait les courses, qu'il achète la nourriture et la boisson pour que les gens de son foyer qui sont sous sa responsabilité rompent leur jeûne, qu'il pense à cette récompense, qu'il aura la récompense de leur jeûne. Et également la femme lorsqu'elle prépare le repas, qu'elle pense à cette récompense. Si son intention est sincère, elle pourra être en adoration au moment où elle prépare ce repas, car son intention sera de préparer un repas qui permettra aux jeûneurs de rompre leur jeûne. Donc il y a en cela une récompense immense à ne pas dédaigner. Et ils nous disent également, ainsi que toute œuvre de bien. Toute œuvre de bien est attendue du croyant tout au long de l'année. Il est attendu de toi que tu sois assidu à tes obligations et que tu les fasses suivre d'œuvres surérogatoires. Et durant le mois de Ramadan, lorsque tu jeûnes, ceci est d'autant plus recommandé, étant donné le mérite de ce mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Donc profites-en pour multiplier les œuvres de bien, t'habituer au bien et aux bonnes actions. Ensuite, ils nous disent, d'après Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens, de manière générale. Il était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux pendant Ramadan, lorsque Djibril venait à sa rencontre. Djibril venait chaque nuit pendant Ramadan afin de réviser le Coran. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Djibril, il était encore plus généreux que le vent déchaîné. Donc on voit à travers ce hadith l'éminent comportement duquel était paré notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus généreux des gens, pas seulement durant le mois de Ramadan. Mais lorsque venait le mois de Ramadan, il était encore plus généreux. Il redoublait d'efforts dans le bien. Et on voit également à travers cela la légitimité de lire et de réviser le Coran durant le mois de Ramadan, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Djibril alayhi salam. Il nous convient donc de profiter de ce mois pour nous réformer, pour délaisser nos mauvaises habitudes, pour nous corriger et nous habituer aux biens et aux bonnes actions. Entre dans ce mois et accueille-le avec l'intention de faire le bien, pas seulement durant ce mois, mais de t'habituer à ce bien et de rester ferme sur celui-ci, même après le mois de Ramadan. Entre avec cette intention et invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te facilite, qu'il t'accorde la réussite en cela et qu'il t'aide à atteindre cet objectif. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Ensuite, ils ont dit, septièmement, faire des efforts pour la prière de nuit. Comme vous le savez, durant le mois de Ramadan, il est légiféré d'accomplir la prière de Tarawih, qui est la prière de nuit accomplie après la prière de l'Aïcha en 11 unités de prière. Et il est recommandé de l'accomplir en groupe à la mosquée. Et celui qui n'a pas la possibilité de s'y rendre, alors il ne doit pas pour autant délaisser cette prière. Mais il doit veiller à être assidu à cette prière de nuit durant le mois de Ramadan. Car comme on va le voir dans le hadith qu'ils ont mentionné, celui qui accomplit cette prière, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc ne la délaisse pas durant le mois de Ramadan, ne serait-ce qu'une nuit, afin de ne pas être privé de cette récompense. Veille à être assidu à la prière de nuit, chaque nuit du mois de Ramadan, dès la première nuit, qui est avant le premier jour de jeûne. Une fois que le mois de Ramadan est annoncé, commence les nuits du Ramadan, sa première nuit. C'est lorsque l'on annonce que le jeûne aura lieu demain. Donc dès cette nuit-là, commence la prière de nuit. Et ne néglige pas cela. N'oublie pas que ce ne sont que quelques nuits qui vont passer que peut-être tu ne retrouveras jamais. C'est une occasion immense à saisir. Et tu ne dois pas t'en priver. Celui qui ne prie pas la nuit durant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va prier la nuit? Quand est-ce qu'il va faire des efforts dans les œuvres de bien? Wallah, il est surprenant de voir nombre de musulmans laisser passer ce mois comme l'ensemble des autres mois de l'année. La seule différence qu'il y a, c'est les repas qu'ils vont manger et l'horaire de repas. Mais on ne voit pas de différence dans leur comportement, dans les efforts dans les œuvres de bien et dans les efforts dans le délaissement des péchés et des mauvaises actions. Et certains parmi eux vont faire des efforts, mais ils ne vont pas rester fermes sur ces efforts. Ils ne vont durer que les premiers jours, ou la première semaine, ou la première moitié du mois. Donc il est important de faire ces efforts tout au long du mois de Ramadan. Et ici, ils nous disent, surtout durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Pourquoi durant les 10 dernières nuits? Car durant ces 10 dernières nuits se trouve Laylatul Qadr, la nuit du destin, cette nuit qui est meilleure que 1000 mois. Chaque action que tu fais durant cette nuit, elle est meilleure qu'une action accomplie durant 1000 mois. C'est un mérite immense. Donc durant ces 10 dernières nuits, tu vas redoubler d'efforts encore plus que durant les premières nuits du mois, avec espoir d'atteindre cette nuit qui se trouve dans l'une de ces 10 nuits. Donc si tu fais les efforts durant les 10 nuits, tu seras sûr d'avoir atteint la nuit du destin. Ils nous disent ici, d'après Aïcha, qu'Allah l'agré, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne. Il redoublait d'efforts, passait sa nuit en adoration, non pas veillé pour les distractions ou les réseaux sociaux ou je ne sais quoi, non, passait sa nuit en adoration. Il n'est pas demandé de ne pas dormir seulement, mais c'est de ne pas dormir pour veiller en adoration. Il passait sa nuit en adoration et réveillait sa famille. Le bien ne se limite pas à ta personne, réveille ta famille, incite-les à faire le bien, Incite-les à la prière, incite-les au dhikr, incite-les à la lecture du Coran. Entraidez-vous dans le bien et la piété, afin que règne la sérénité et le bonheur dans votre foyer. C'est ça la clé du bonheur. Beaucoup de personnes se plaignent de mésententes, de conflits, de discordes et ainsi de suite, car ils n'ont pas basé leur foyer sur l'entraide dans le bien et la piété. La clé de la quiétude, la clé de la sérénité, de la tranquillité, du bonheur dans les foyers, c'est quoi? C'est de s'entraider sur le bien et la piété, de veiller à être sur la droiture, de s'entraider dans la mise en pratique de cette religion, de s'ordonner le bien, de s'interdire le mal, de se motiver les uns les autres à l'accomplissement des bonnes actions, et ainsi de suite. Et regarde ici notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il redouble d'efforts durant ces 10 dernières nuits, mais qu'est-ce qu'il fait également? Il réveille sa famille, afin qu'ils profitent de ce bien, qu'ils saisissent leur part de récompense durant ces nuits bénies. Nous devons donc veiller à le prendre pour modèle, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils disent, ceci entre également dans la généralité de sa parole, quiconque accomplit la prière de nuit durant Ramadan, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc à accomplir cette prière de nuit durant l'ensemble du mois, avec foi et en espérant la récompense. On a vu dans un précédent cours qu'est-ce que cela signifie avec foi en Allah, avec foi en la légitimité de cette prière, et en espérant la récompense, c'est-à-dire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, par espoir de ce qui se trouve auprès de lui comme bien et comme récompense, non pas pour faire comme les autres, non pas pour se montrer ou par ostentation, ainsi de suite. Quiconque accomplit la prière de nuit durant Ramadan, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ghafur al-Ghaffar, de nous pardonner l'ensemble de nos péchés. Ensuite, ils disent huitièmement, la Umrah. La Umrah, c'est une chose qui est recommandée tout au long de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné que la Umrah, à la suite d'une autre, est une cause d'expiation de ce qu'il y a entre elles. Donc, dès que la personne en a la possibilité, il est légiféré pour elle de se rendre sur les terres sacrées afin d'accomplir les rites de la Umrah. Et cela est d'autant plus recommandé durant le mois de Ramadan. Pourquoi? Ils nous disent d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une Umrah pendant Ramadan équivaut à un pèlerinage. Allahu Akbar. Équivaut à un pèlerinage en termes de récompense. Cela ne signifie pas que la personne sera dispensée ensuite du pèlerinage obligatoire, non. Mais en termes de récompense, elle aura la même récompense que la récompense d'un pèlerinage. Et dans une autre narration du hadith, il est venu, une Umrah pendant Ramadan équivaut à un pèlerinage avec moi. Un pèlerinage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci nous montre donc qu'il est fortement recommandé pour le musulman qui en a les capacités d'accomplir la Umrah durant le mois de Ramadan. Neuvièmement, dire « je suis jeûneur » ou « je jeûne » à celui qui l'injure. Et ceci fait partie des comportements légiférés lorsque tu jeûnes. D'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne prononce aucune parole obscène, aucune parole indécente, et qu'il ne fasse pas de vacarme, et si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, alors qu'il dise « je suis jeûneur. Je suis jeûneur. Je ne te réponds pas, je m'abstiens car je jeûne. Et il est légiféré durant mon jeûne de m'abstenir de tels propos et de te répondre. » Donc ceci vient compléter ce que l'on a mentionné au sujet de la multiplication des bonnes actions. L'objectif de ton jeûne n'est pas simplement de t'abstenir de boire et de manger, mais l'objectif c'est d'atteindre la piété. Et pour atteindre cette piété, tu te dois de faire des efforts afin d'accomplir le convenable et de délaisser le blâmable. Et tu te dois de faire des efforts pour corriger ton comportement. Et entre dans cela le fait de ne pas répondre à une personne qui t'injurie. Tu lui dis simplement « je suis jeûneur » afin de te préserver de la prononciation de paroles qui pourraient compromettre ton jeûne ou en diminuer sa récompense. Donc le jeûneur, il doit s'écarter de tout ce qui porte atteinte à son jeûne, et d'autant plus des péchés et des mauvaises actions. Et ceci, bien sûr, est attendu de toi tout au long de l'année. Mais durant le jeûne, tu dois redoubler d'efforts en cela. Comme cela est rapporté de certains de nos pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala, lorsque tu jeûnes, alors fais jeûner avec toi ton ouïe, ta vue et ta langue. Préserve ton ouïe de l'écoute de choses interdites. Préserve tes yeux de la vue de choses interdites que tu n'as pas le droit de regarder. et préserve ta langue de la prononciation de paroles interdites que tu n'as pas le droit de prononcer. Ceci était donc les 9 choses recommandées durant le jeûne qu'ils ont mentionnées ici. Ensuite, ils ont dit deuxièmement les choses détestables, c'est-à-dire les choses qu'il est recommandé pour le jeûneur de délaisser. Il est détestable pour le jeûneur d'accomplir certaines choses qui pourraient compromettre son jeûne ou en diminuer sa récompense. Ces choses sont les suivantes. Premièrement, l'exagération lors du rinçage de la bouche et du nez, c'est-à-dire lors des ablutions, en raison de la crainte que l'eau atteigne l'estomac. D'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, insiste lors du rinçage du nez, sauf si tu jeûnes. Donc lorsque tu fais tes ablutions, il est recommandé d'insister lors du rinçage du nez et de la bouche. Toutefois, lorsque tu jeûnes, il ne faut pas exagérer en cela et ne pas insister comme tu le fais lorsque tu ne jeûnes pas. Car si tu fais cela, il se peut que l'eau atteigne ton estomac. Bien sûr, si cela a lieu par erreur, par inadvertance, ceci n'a aucune incidence sur la validité de ton jeûne. Mais afin de prévenir cela et de t'en préserver, tu te rinceras la bouche et le nez sans exagérer lors du rinçage. Ensuite, ils ont dit deuxièmement, l'embrassade pour celui dont cela éveille les désirs. S'il fait partie de ceux qui ne peuvent pas se contrôler, ils ont précisé que cela concerne une catégorie de personnes. Il est donc détestable pour le jeûneur d'embrasser son épouse car cela peut conduire à éveiller ses désirs qui vont le mener à la corruption de son jeûne par la sortie du mani, le liquide séminal, ou le coït. Et s'il ne craint pas la corruption de son jeûne, alors il n'y a pas de mal. S'il ne craint pas cela, il n'y a pas de gêne à ce qu'il embrasse son épouse. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, embrassait ses épouses lorsqu'il jeûnait. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit à ce sujet, « Et il était le plus apte parmi vous à contrôler ses désirs. » Elle nous a donc donné le motif pour lequel il faisait cela durant le jeûne, sallallahu alayhi wa sallam. Car il contrôlait ses désirs et elle a voulu par cela indiquer que celui qui ne contrôle pas ses désirs, alors il doit s'écarter de cela, au risque de corrompre son jeûne. Ensuite ils disent, de la même manière, il doit s'écarter de tout ce qui pourrait éveiller ses désirs ou l'exciter, comme le fait de regarder longuement son épouse, ou de penser au coït car cela pourrait le conduire à la sortie du mani, la sortie du liquide séminal ou au coït. Donc ceci fait partie des choses qui sont détestables durant le jeûne. Que la personne fasse quoi que ce soit qui puisse éveiller ses désirs, que ce soit par le regard, la parole ou autre. Et si cela concerne le regard de l'homme sur son épouse, que dire de ceux qui, durant le jeûne, vont passer leur journée à regarder les personnes de genre opposé, que ce soit dans la rue ou à travers les écrans de télévision ou de téléphone sur les réseaux sociaux ou autres. Ceci fait partie des péchés qui sont interdits tout au long de l'année. Mais durant le jeûne, c'est d'autant plus grave. Et en faisant cela, tu te mets en danger et tu risques en plus de corrompre ton jeûne, wal'iyadu billah. Donc nous devons tous faire preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le seul moyen de te préserver de ces péchés est de t'écarter de ces appareils, alors écarte-toi de ces appareils. Enferme-les dans un tiroir lorsque tu jeûnes. Ne les approche pas afin de préserver ton jeûne, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, ils ont dit, troisièmement, avaler les glaires, car elles atteignent l'estomac et que cela le renforce, sans parler du fait que cela est sale ou de la nuisance provoquée par cet acte. Donc, concernant le fait d'avaler les glaires qui atteignent la cavité buccale, les gens de science ont divergé. Certains parmi eux ont dit que celui qui les avale volontairement, après qu'elles aient atteint la cavité buccale, et les ravale après cela, il a alors rompu son jeûne. Et d'autres ont dit que même si elles ont atteint la cavité buccale et qu'il les avale, alors ceci n'a aucune incidence sur la validité de son jeûne de la même manière que s'il avale sa salive. Et ceci est l'avis le plus juste à ce sujet. Toutefois, la personne qui se retrouve dans cette situation et qui a les capacités d'évacuer cela, alors qu'elle le fasse. Et si elle les avale, alors il n'y a pas d'incidence sur son jeûne, Inch'Allah ta'ala. Enfin, ils ont dit quatrièmement, goûter la nourriture sans nécessité. Si cela est nécessaire, comme pour le cuisinier, qui a besoin de goûter pour voir si cela est assez salé ou autre. Dans ce cas, il n'y a pas de mal, tout en prenant garde que rien n'atteigne sa gorge. Donc il est détestable pour le jeûneur de goûter la nourriture s'il n'y a pas de nécessité. Mais s'il y a une nécessité en cela, qu'il a besoin de vérifier l'assaisonnement de la nourriture, voir si cela est assez salé, assez épicé ou autre. Il peut goûter mais sans avaler, c'est-à-dire qu'il va mettre la nourriture sur ses lèvres ou sur sa langue afin de s'assurer de ce qu'il veut vérifier, et ensuite il évacue cela et se rince la bouche, en prenant garde à ce que rien n'atteigne sa gorge. Et il lui est interdit d'avaler de la nourriture volontairement, comme on l'a vu, car manger volontairement annule le jeûne. Mais goûter de cette manière est permis s'il y a un besoin en cela. S'il n'y a pas de besoin, on le délaisse. Si la personne n'a pas besoin de faire ses vérifications, elle le délaisse. Mais s'il y a un besoin, alors il n'y a pas de gêne. Inch'Allah ta'ala. On a donc terminé ce chapitre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous verrons dans le cours de demain le chapitre suivant qui concerne le rattrapage ainsi que le jeûne recommandé, détestable et interdit. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.